leur appelle et dit : Ô toi qui cherches le bien, accours, et ô toi qui cherches le mal, arrête de le faire et répands-toi. Et Allah a des serviteurs qu'il affranchit de l'enfer, et ceci chaque nuit du mois de Ramadan. Le hadith est rapporté par Al-Tirmidhi et Nasa'i. Donc ce mois, chers musulmans, est un mois qui rend heureux tout musulman, quelle que soit sa situation. Le musulman pieux augmente sa bienfaisance et sa foi, et le musulman négligent demande pardon à Allah et espère la miséricorde de son Seigneur et son agrément pendant le mois de Ramadan. C'est un mois de bien, de bénédiction et de bonnes œuvres pour tous les musulmans. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit : Celui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi et espérance de récompense, Allah lui pardonne ses péchés antérieurs. Et celui qui veille en prière pendant le mois du Ramadan, Allah lui pardonne ses péchés antérieurs. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Pendant ce mois, il y a Laylatul Qadr, la nuit du destin, une nuit qui est meilleure que mille nuits, et celui qui prie pendant cette nuit, par foi et par espérance de récompense, Allah lui pardonnera ses péchés antérieurs, comme a dit cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ayyuha al-ikhwatu al-kiram wa ayyatu al-akhawat al-kalimat. لو نظرنا حولنا لوجدنا أن بعضا ممن أدرك رمضان الماضي أصبح من أهل القبور وربما البعض منا في هذا العام ممن يقدر الله له أن يصوم رمضان كاملا فيقدر الله مع ذلك ألا يكون من أهل الدنيا بعده فيكون آخر رمضان يصومه ويقوم ولو استشعر كل منا هذا الأمر واستعد للموت بعد رمضان par Al-Hakim. Ayyuha al-Muwahhidun, وإذا لقي ربه فرح بصومه رواه البخاري ومسلم. في رواية c'est-à-dire je suis en état de jeûne deux fois. Le prophète dit ensuite, par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains, certes, la laine de la bouche du jeûneur est meilleure auprès d'Allah que l'odeur du misc. Au jeûneur, il y a deux joies. Une joie lors de sa rupture du jeûne et l'autre lorsqu'il rencontrera son Seigneur Yawm al-Qiyama. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Et dans une autre version du hadith, Allah dit, car il délaisse la nourriture et la boisson et les plaisirs charnels pour moi. Et dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les cinq prières obligatoires, celles du vendredi jusqu'au vendredi suivant, le jeûne du Ramadan jusqu'au Ramadan suivant, permettent d'expier les péchés commis entre les deux, si toutefois on a évité les grands péchés. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له والصلاة والسلام على خاتم النبوة والرسالة وعلى آله وصحبه وكل من كماله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، احرصوا على النية الصالحة والعزم الجاد على الاجتهاد في طاعة الله في رمضان، وحري بأفراد الأسرة والقرابة والجيران وزملاء العمل أن يتواصوا بالحق ويتعاونوا على أعمال البر والتقوى في هذا الموسم المبارك. وسأل الله تعالى أن يمن علينا ببلوغه وبحسن العمل فيه. أيها المؤمنون، إن الدعوة إلى الله أحسن القول، فلا شيء أحسن من الدعوة إلى الله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهداية رجل واحد خير من الدنيا وما عليها، والدعاة إلى الله هم أرحم الناس وأزكاهم نفوسا وأطهرهم قلوبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. متفق عليه. فالناس في شهر رمضان يقبلون منك النصائح والإرشادات ما لا يقبلونه في غير رمضان، فانتهزوا رحمكم الله هذه الفرصة الذهبية. Chers musulmans, craignez donc Allah et faites en sorte d'avoir une intention sincère pour ce mois de jeûne. Ayez dès maintenant la décision d'être sérieux pendant ce mois et de faire des efforts d'adoration. Et il faut que les membres des familles, les proches, les voisins, les collègues de travail s'entraident mutuellement dans la piété et également se recommandent mutuellement le bien et la piété pendant cette période bénie. Car le fait d'appeler à l'islam et à Allah est la meilleure des paroles. Il n'y a rien de mieux que d'appeler à Allah. Allah dit dans le Coran: et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit: je suis du nombre des musulmans. Et la guidée d'une seule personne est mieux que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Les appelants à Allah sont les gens les plus cléments, qui ont les âmes les plus pures et les cœurs les plus saints. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu: qu'Allah guide grâce à toi un seul homme est meilleur pour toi que de posséder les plus belles bêtes. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Et vous remarquerez, chers musulmans, que les gens pendant le mois de Ramadan acceptent les conseils et les recommandations. Donc, il ne faut surtout pas gâcher cela et faut profiter donc du fait que les gens acceptent les conseils et les recommandations, donc pour leur recommander la piété et la foi pendant ce mois du Ramadan. Et yo al-muhibbuna li Ramadan. نختم هذه الخطبة بمسألتين في غاية الأهمية قبل دخول شهر رمضان. المسألة الأولى: حكم صيام تارك الصلاة. حكم صيام تارك الصلاة. الجواب: إن تارك الصلاة لا يقبل منه عمل، لا زكاة ولا صيام ولا حج ولا شيء. فصومكم مردود عليكم لأن ذلك الصلاة لا تقبل منه العبادة لما سبق من الأدلة. Chers musulmans, avant de clôturer ce discours, nous allons parler donc de deux sujets très importants concernant de nombreux musulmans avant l'arrivée du mois de Ramadan. Le premier sujet est: quel est le statut de celui qui jeûne mais ne prie pas? La réponse: celui qui ne prie pas, aucune de ses œuvres n'est acceptée. Ni la zakat, ni le jeûne, ni le pèlerinage, ni toute autre chose. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte dans son recueil Sahih, selon Bourayda ibn Qusayb, radiallahu anhu, il nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui délaisse la prière de l'Asr, toutes ses œuvres deviendront vaines. Et donc, elles ne lui seront d'aucune utilité. Et vous remarquerez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de celui qui délaisse une seule prière. Donc que penser de celui qui délaisse des centaines de prières? Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: entre l'homme et l'association et la mécréance se trouve l'abandon de la prière, rapporté par Muslim. Et le prophète dit également: le pacte qu'il y a entre nous et eux est la prière. Quiconque l'abandonne a alors mécru, rapporté par Tirmidhi. Abdullah ibn Shakir, rahimahullah, un célèbre tabi'i qui a vécu avec les compagnons radiallahu anhum, il nous dit: les compagnons du prophète ne voyaient aucun acte dont l'abandon et de la mécréance à part la prière, rapporté par Tirmidhi. À partir de cela, donc celui qui jeûne et ne prie pas, son jeûne est rejeté et non accepté et d'aucune utilité. Donc, nous disons aux gens qui ne prient pas: priez et jeûnez afin que votre jeûne soit accepté, et cet avis est basé sur ce que vous venez d'entendre comme texte prophétique. Ayyuha al-ikhwat al-kiram, al-mas'alatu al-thaniya, hukm siyam al-marid. Al-mashru' lil-marid al-iftar fi shahr Ramadan idha kana as-sawm yadurruhu aw yashuqqu alayhi aw kana yahtaju ila 'ilaj fi an-nahari bi anwa' al-hubub wal ashribati wa nahwiha mimma yu'kalu wa yushrab. رجالا ونساء داع إلى الله سبحانه. chers frères et sœurs, le second sujet est le statut de celui qui jeûne tout en étant malade. Sachez qu'il est autorisé aux musulmans de ne pas jeûner pendant le mois du Ramadan si le jeûne est difficile pour lui ou lui est néfaste, et s'il a besoin de prendre un traitement pendant la journée, le fait de prendre des médicaments, de boire et de manger. Allah dit dans le Coran, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah aime que soient appliquées ses permissions comme il déteste la désobéissance, rapportée par Ahmed. Sachez également qu'il existe plusieurs sortes de maladies. La première, une maladie donc sur laquelle le jeûne n'a aucun impact. Comme par exemple la personne qui a un léger rhume ou un léger mal de tête. Il lui est déconseillé de jeûner et lui est conseillé de ne pas jeûner. La troisième catégorie, et c'est celle-là la plus intéressante, car c'est celle qui pose un problème, c'est celui pour qui le jeûne est difficile à cause de sa maladie, et en plus de cela, le jeûne lui est nuisible, comme les gens atteints de maladies rénales, la tension, le diabète, etc., etc., les maladies que l'on appelle chroniques. Dans ce cas, il est interdit de jeûner. Il est interdit de jeûner, et ainsi apparaît l'erreur évidente de certains malades pour qui le jeûne est très difficile et nuisible, et qui refusent de rompre le jeûne. Ils ont commis une erreur en n'acceptant pas la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses facilités, et en nuisant à leur propre personne, alors qu'Allah dit dans le Coran, et ne vous tuez pas vous-même, Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Et sachez, chers musulmans, que chacun d'entre nous, hommes et femmes, est un appelant à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il le veuille ou qu'il ne veuille pas. Tout musulman, il véhicule une image de l'islam. Donc celui qui s'entête à jeûner pendant le mois du Ramadan, malgré sa maladie chronique, il véhicule une mauvaise image de l'islam. Il véhicule une image dure et exagérée de l'islam, alors que l'islam est facilité et simplicité. Que pensez-vous que va penser le non-musulman d'une religion qui entraîne ses vers une aggravation de leur maladie et une augmentation de leurs problèmes de santé? Il ne sera sûrement pas attiré par l'islam à cause de ces gens. Et ils auront des comptes à rendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus étonnant dans cela est que ces mêmes personnes malades qui s'entêtent à jeûner malgré leur maladie ne s'entêtent qu'à ce moment-là. Ils ne s'entêtent que pour ce sujet. Pour faire la prière, il n'y a aucun entêtement, on la fait quand on veut. Pour donner la zakat, aucun entêtement, on la donne quand on veut. Pour consommer riba, il n'y a aucun problème. Fattakullah ibadallah, Allahu musta'an, ala wa sallu wa sallimu ala akhir al-bariya wa azka al-bashariya. Faqad amarakum Allahu bidhalika fi kitabih, faqala ta'ala ya ayyuhallazina inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أيقظنا من سبات الغفلات اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه يا رب العالمين حتى نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وعنا على صيامه وقيامه وإتمامه يا رب الصيام والقيام في هذا الشهر المبارك، اللهم وفقنا للقيام بحقك في شهر رمضان وفي غيره من الشهور، اللهم اجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين، اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة